Vous écoutez Futur Sam, toujours au 89.1, et nous allons rester dans le domaine de la santé, mais en s'intéressant maintenant au cholestérol. Alors, tout le monde semble d'accord, un niveau élevé de cholestérol, c'est mauvais pour le cœur, il faut des médicaments pour le baisser. Mais si c'était faux, finalement? Alors, c'est ce que nous allons voir avec Mustapha Lor, un nouveau chroniqueur qui se joint à l'émission. Donc, Mustapha est étudiant au doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université Laval. C'est bien ça, Mustapha? Oui, tout à fait. Bonjour Mustapha. Bonjour Valérie. Donc c'est ça. Et si finalement cette idée reçue qu'on avait du cholestérol était fausse? Dans la vérité sur le cholestérol qui est paru aux éditions du Cherche Midi, le professeur Philippe Even dénonce purement et simplement le lien communément admis entre cholestérol et maladies cardiovasculaires et pointe l'inutilité du traitement par les médicaments de la famille des statines. Donc je vais débuter par une brève introduction pour familiariser plus ou moins les auditeurs. Donc le cholestérol, c'est cette petite molécule qu'on trouve dans le corps humain et plus particulièrement au niveau des membranes des cellules, plus spécialement dans les radeaux lipidiques ou rafts lipidiques. C'est une zone essentielle à l'ancrage des protéines fonctionnelles, mais c'est aussi une molécule qu'on va trouver dans la nature, dans les œufs de saumon par exemple, les rognons, les pâtés de foie, le jaune d'œuf, le beurre, les crevettes, la mayo ou le steak. Donc on le retrouve dans une variété de produits, mais on peut remarquer aussi qu'il est faible dans les poissons. Il faut signaler que c'est une molécule importante et essentielle dans le métabolisme car elle est impliquée dans beaucoup de processus de signalisation cellulaire et est aussi la source, elle est à l'origine de la cortisone, l'hormone du stress, toutes les hormones sexuelles mâles ou femelles, la vitamine D qui protège notre squelette. Le cholestérol reste une molécule difficile à fabriquer. Il faut, on compte 36 étapes chimiques successives pour la fabriquer. On estime globalement qu'il y a un tiers de la portion qui est apportée par la nutrition, le reste étant synthétisé dans l'organisme. Historiquement, les travaux de recherche sur le cholestérol ont amené à plusieurs prix Nobel, en 64 ou 65 ou 85 par exemple. Finalement, c'est une molécule importante, on en a besoin pour diverses fonctions du corps. Puis notre corps, on en obtient par notre alimentation et on en fabrique une autre partie. Mais donc, le cholestérol, c'est quand même bon pour la santé, en tout cas, c'est l'image qu'on en a, non? Oui. L'image qu'on a, c'est que c'est pas bon pour la santé. Oui, c'est ça. Pardon. C'est pas grave. En effet, c'est le consensus global qui s'est imposé sur le cholestérol, c'est que c'est celui qui véhicule une connotation assez négative associée au cholestérol comme étant responsable de problèmes cardiaques. Toutefois, cette idée reçue est atténuée par un nuancement qui fait la différence entre bon et mauvais cholestérol. En réalité, bon et mauvais cholestérol font plus allusion au transporteur du cholestérol dans le sang. Le cholestérol étant un corps gras avec un caractère hydrophobe, il n'est pas très soluble dans le sang. Il a besoin de transporteurs qu'il prenne en charge pour l'emmener au tissu et cellules cibles. C'est là qu'interviennent les LDL et HDL pour low density lipoprotein ou high density lipoprotein. La thèse ou le postulat de départ, on les connaît, c'est en deux mots, il existe un bon et un mauvais cholestérol. Et ce dernier, surtout si l'on mange trop de graisse d'origine animale, s'accumule dans les parois des artères, induisant un risque majeur d'accident cardiaque. Si le taux du cholestérol dans le sang dépasse un certain seuil, il est donc recommandé d'adopter un régime pauvre en graisse animale et de prendre quotidiennement un médicament qui abaisse le niveau de celui-là. Et ce sont les statines. Les fameuses statines. C'est ça. Donc les patients qui suivent ce traitement seraient 6 millions en France, 24 millions aux États-Unis et pas moins de 220 millions dans le monde, ce qui représente bien évidemment un marché énorme. Oui, effectivement. Et donc, pour en revenir au livre de Philippe Even, est-ce qu'il revient sur ce postulat de départ? Quel est le message dans le livre? Donc, dans l'esprit collectif, le cholestérol bouche les artères et un taux élevé augmenterait le risque d'accident cardiovasculaire. Mais Philippe Even ne partage pas ce point de vue et on a fait un livre. En effet, ce médecin pneumologue français, biochimiste de formation et ancien doyen de la faculté de médecine Necker, aujourd'hui patron de cette institution, a dirigé un laboratoire de cardiologie et déclare dans son livre à propos du cholestérol qu'il s'agit d'une farce inventée par l'industrie pharmaceutique. Il n'y a que du bon cholestérol, affirme aussi dans un entretien au Nouvel Obs, et ne voyant dans cette substance qu'un simple témoin et un marqueur de l'athérosclérose. Et alors sur quoi il se base pour faire ces affirmations, parce que c'est quand même assez catégorique et assez à contre-courant? Tout à fait. Il a passé au crible 800 références scientifiques, 50 essais cliniques, portant sur 250 000 patients. Il faut dire que Philippe Even porte un coup majeur à l'industrie pharmaceutique en dénonçant cet abus de confiance. Là encore, il n'est pas son premier coup d'essai. Ce médecin est bien connu pour son franc-parler et surtout pour ses prises de position contre l'industrie pharmaceutique. Il a publié en septembre 2012 le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, livre qui a fait beaucoup de buzz et qui tirait la sonnette d'alarme sur l'inefficacité et la dangerosité d'une grande proportion des médicaments prescrits aux patients. Déjà dans ce livre, il annonçait que les statines étaient mal prescrites dans 9 cas sur 10. D'accord, donc bon, il n'est pas tout à fait d'accord avec l'utilisation de la statine pour baisser le cholestérol ou sur l'idée que le cholestérol est mauvais. Mais est-ce qu'il est le seul à dénoncer cette, si on peut dire, cette arnaque, cette tromperie par rapport au cholestérol? Est-ce qu'il est tout seul dans cette position? Mais figurez-vous que non. Il n'est pas le premier. Certes, le médecin reste un personnage médiatique et ses publications font écho. Toutefois, il n'a pas le monopole du scoop. Ce que je veux dire par là, c'est que bien avant lui, d'autres scientifiques ont fait part de leur scepticisme quant à la dangerosité du cholestérol. De là est né d'ailleurs le regroupement Thinks en 2002 pour International Network of Cholesterol Skeptics, des chercheurs et médecins de tous les pays. Ça a été fait à l'initiative d'un Suédois, Ulf Rafnsson, auteur des mythes sur le cholestérol et d'une centaine d'articles sur le sujet. Ils sont 98 dans ce regroupement, indépendant de l'industrie pharmaceutique. Tous disent avoir découvert chacun de leur côté avec stupeur que rien dans la littérature scientifique ne prouve l'existence d'un lien entre le niveau du cholestérol et l'athérosclérose. Pour eux, le diabolique cholestérol boucheur d'artères serait un mythe. Je pense aussi à cette bonne enquête publiée en 2008 dans la revue américaine des gens d'affaires Business Week, « Do cholesterol drugs do any good ?» Et on apprend qu'une campagne de Pfizer à la télévision et dans la presse écrite présente en vedette Robert Jarvik, l'inventeur du cœur artificiel, comprenant le Lipitor, un médicament à base de statine. La pub imprimée proclame que le Lipitor réduit le risque de crise cardiaque de 36% chez les patients qui ont de multiples facteurs de risque de maladie cardiaque. Comment irait-on mettre en question donc les bénéfices d'une telle classe de médicaments? Effectivement, quand on voit une amélioration de 36%, c'est de risque en moins, c'est quand même important, c'est appréciable et convaincant. Et alors, il est où le problème finalement? C'est vrai, le chiffre est impressionnant de 36%, mais il est accompagné d'une astérisque qui renvoie à une note. Ce qu'elle dit, la note, c'est que cela signifie que dans une grande étude clinique, 3% des patients prenant une pilule sucrée ou un placebo ont eu une crise cardiaque, quand 2% seulement des patients prenant du Lipitor. Faisant un peu d'arithmétique, les chiffres présentés dans cette phase signifient que dans cet essai qui a duré 3 ans et demi, pour 100 personnes impliquées, 3 sous placebo et 12 sous Lipitor ont eu une attaque cardiaque. Quel bienfait apporte donc le médicament? Une attaque cardiaque de moins pour une personne sur 100. Donc pour épargner une attaque à un patient, 100 personnes ont dû prendre le Lipitor, plus de 3 ans, 99 entre eux n'ont pas eu de bénéfice mesurable. Donc, pour conclure, dans une tentative d'expliquer la prescription massive des statines, Philippe Even avance que la confiance quasi-religieuse dans le dogme établi et les manœuvres du lobby pharmaceutique seront à l'origine de cette dérive. Quant à moi, pour conclure, je dirais que si vous êtes un homme fumeur, obèse, hypertendu et diabétique, et vous avez plus de 50 ans, je vous conseillerais de prendre les statines. Sinon, faites seulement de l'exercice. Eh ben, c'est un bon conseil. J'aime bien cette conclusion. Merci beaucoup, Moustapha, pour cet autre regard sur le cholestérol. On va peut-être écouter d'une autre façon maintenant tous les avis qui nous disent qu'il y a du mauvais là-dedans. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va passer en pause publicitaire sur CKRL au 89.1. Et au retour, on va changer complètement de domaine. On va s'intéresser à la destruction des forêts.